L'agonie, chapitre 19. Antoninus, le saint, le vénéré, le divin empereur. Antoninus, qui a su faire triompher le culte du soleil? Qui est le purificateur du monde? Qui, Dieu lui-même, représente dans la perfection de son corps la perfection des autres dieux et l'excellence du principe de la vie? Du principe de la vie, duquel tout émane et sans lequel rien ne serait? Antoninus, de l'auguste famille des Antonins, heureusement appelé Elagabalus, dieu montagne, dieu de la pierre noire, dieu du soleil, dieu de la vie éternelle et indestructible. Notre jeune empereur, dont un regard est l'éclair d'un ciel orageux, dont un geste est un commandement, dont un désir veut son accomplissement, qui sanctifie qui l'approche, qui purifie qui est souillé. Antoninus, heureusement inspiré en mariant Astaroth à la pierre noire, la lune au soleil, c'est-à-dire l'Occident à l'Orient, le principe mâle au principe femelle, le solaire au lunaire. C'était un bourdonnement brutal, une adoration colossale, en encens étourdissant, d'un millier d'étrangers attendant depuis le matin une audience de l'empereur. Des germains aux poils blondasses, des Celtes à la moustache retombante, des Pannoniens et des Phrygiens et des Grecs et des Asiatiques, des Africains de l'Égypte, de la Mauritanie et de l'Éthiopie, des faces blanches et des faces noires, des yeux d'un bleu gris, d'une froide férocité comme ceux des Angles et des yeux d'un vert d'algues comme ceux des Scythes. Des tumultes d'hommes aux costumes bariolés s'excédaient à revêtir Elagabalus de toutes les vertus, lui donnant la puissance terrestre et la clairvoyance de la divinité, afin de pénétrer auprès de lui, par une large ouverture à cintre de rayonnantes mosaïques, gardée par des prétoriens le glaive droit, opposant leur poitrine bardée, et, par instant, ce glaive, qui avait des éclairs au plus audacieux. Les Brundunisiens, fonçant dans cette foule, se trouvèrent nez à nez des prétoriens, au seuil de l'appartement d'Elagabalus, vautrés sur un lit porté par des colonnes d'or, des coussins jaunes aux pieds, des étoffes jaunes sous les reins, la face comme vermeille du reflet d'une couleur jaune partout épandue, du sol poudré d'or au plafond noyé d'or. Une forte odeur de safran les saisit. Des mages immobiles se dressaient dans les pénombres. S'agitaient des officiers, qu'à leur vulgarité on aurait dit s'échapper des lieux malfamés de Rome, sans leurs robes de soie traînante et leurs joyaux. L'empereur était presque nu, les jambes ballantes, sa virilité exposée, et, quelquefois, un des familiers la baisait, comme dévotieusement, pendant que les autres grillonnaient d'un gros rire. Par-dessus les épaules, les Brundunisiens virent Elagabalus se placer obscènement et le couvrir un jeune homme qu'il appelait son divin époux. « Horreur ! Horreur ! » cria Aspronas, et son œil se dilata, plus rouge encore. Mais, débordés, les prétoriens devinrent furieux. De leur glaive à plat, ils firent reculer les étrangers, qui répondirent au coup par des exclamations de plus grande adoration. « Joie et paix au divin Antoninus, dont le corps est la perfection même !» Elagabalus a pris Hiéroclès pour époux. L'empereur est androgyne comme le destin. Il est riche des deux sexes, honneur à lui. » Et il s'épongeait le front, criant à tue-tête ses abominations, demandant même à en être à nouveau témoin, à lécher la place où l'acte contre nature avait été commis. Il paraissait ravi. Nul ne se plaignait d'avoir fait un long voyage, ni d'attendre encore à la porte de l'empereur, qui ne se souciait d'eux, ni de savoir quand ils assisteraient au mariage d'Astaroth et de la Pierre Noire. C'étaient des envoyés des villes et des provinces, rois tributaires de l'Empire ou notables des cités conquises, riches propriétaires ou généraux vendus qui avaient de tout mésusé pour, en se rendant à Rome, faire acte de servilisme à Elagabalus. Aspronas voulut s'en retourner, ne comprenant pas mieux que jadis l'excellence du principe de la vie. Et, dominant les étrangers de son immense œil rouge méprisant, où le phare ne s'effaçait plus, il entraîna Tubéro, qui tira à lui Potitus, pendant que ma mère et Elva, voulant rester là, résistaient. Une trouée se fit dans la foule de plus en plus bruyante. Un officier casqué et cuirassé traînait de force un enfant d'une dizaine d'années, aux cheveux noirs tressés, esclave soignée comme une plante sensible au froid et qui hurlait désespérément, accrochant ses ongles aux dalles du parquet et ses jambes frêles à celles des étrangers se rangeant vivement. Ils reconnurent Attilius. Effrayés, ne voulant même pas qu'il les reconnût, ils tournèrent la tête. L'œil cramoisi d'Aspronas se plaqua sur la face d'un noir, à son tour marqué du fard rouge de la prostituée. Cependant, Attilius souleva l'enfant, le poussa, roulant, dans l'appartement d'Elagabalus. Et il s'en retourna, par chacun salué, un peu pâle, et le casque droit comme un consul de retour d'un combat. Un grand silence, des cris vibrants, un appel déchirant à briser. Une horrible lutte entre l'enfant, que les étrangers voient nu, et Elagabalus devenu furieux, commandant à ses familiers de ne point toucher à la victime avant lui. Puis la défaite finale, sur le même lit jaune, aux coussins jaunes, aux étoffes jaunes de safran pulvérisé, et l'enfant pantelant baigné dans cette poussière d'or, le teignant d'or vivant. Enfin, Elagabalus se montra aux étrangers, que les prétoriens laissèrent pénétrer. Et, défilant sous le regard des familiers, ils le virent étalé sur son lit, avec, sur sa robe de soie pourpre, des traces humides du viol. La tête tiarée, les yeux cerclés de noir, terribles, ennuyés, les traits fins tirés. Sa peau était polie à la pierre ponce, un phallus pendait sur sa poitrine, ses doigts portaient des bagues d'or, sa chaussure pourpre était, au cou de pied, sertie de gros diamants, et ses cheveux aux mèches fines restaient poudrés d'électrum. Des esclaves nègres les vantaient avec des flabellums faits de plumes géantes de paon, pendant que dans un coin, sous le regard glacé des mages, l'enfant pleurait sinistrement. Ils ne disaient plus rien, les étrangers. Effarés, ils disparurent, le glaive des prétoriens aux reins, pendant qu'Elagabalus ordonnait qu'on enlevât la victime d'un geste d'insouciance et d'inconscience. Les Brundinisiens virent ainsi l'empereur, sur qui l'œil d'Aspronas, sans cesse agrandi, se fixa, énorme et rouge, tel qu'au soir le soleil embraise.